spirituel, pourtant je ne vais pas à l'église. La métaphysique c'est réel, moi c'est ça qui me fige. Qui suis-je? Je voudrais qu'on me le dise. Un type droit ou bancal comme la tour de Pise. Mon rap est-il infect? Mes rimes exquises. Dis-moi si je suis correct, dis-moi si je t'épuise. Écris-moi encore si tu veux que je continue. Mais dis-moi, arrête, c'est bon si t'en as plein le dos et que je t'endors. Mais si mon art tu bouges la tête, mec, et fais-moi tourner ton bédo. Mais qui suis-je? Toujours aucune idée et déjà 28 piges. Qui suis-je? Ça fait des années que cette question m'épuise. Qui suis-je? Spirituel, pourtant je ne vais pas à l'église. La métaphysique c'est réel, moi c'est ça qui me fige. Qui suis-je pour te donner des leçons, viser des millions, me prendre pour un champion? Qui suis-je pour viser le haut de l'affiche, le pouvoir et la richesse, ton sourire et tes miches? Qui suis-je pour te dire qu'il vaut mieux arrêter la tease que finir dans ton vomi? C'est mon avis, mais si tu veux pas finir vie, ben fais ton bise. Après tout c'est ta vie, mais qui suis-je? Toujours aucune idée, déjà 28 piges. Qui suis-je? Ça fait des années que cette question m'épuise. Qui suis-je? Spirituel, mais je ne vais pas à l'église. Je veux et j'exige, je m'en veux le prestige. Tout le monde s'en tombe beaucoup, appelle-moi un pile pour la voltige. Tu peux me dire d'aller me faire voir, mon nom se dit. Mais tu peux pas m'empêcher de voir les étoiles, entendre ce que je dis. Savent ce que je dis depuis que j'ai l'âge de le dire. Le bien que ça fait, chaque balle verbale que je tire. Et je dégomme des tonnes et des tonnes, même si non je décolle. Des fois je décolle, mais ça m'étonne, même si je sais qu'on se ment les uns les autres, je sais qu'on fait les fous. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de finir aux infos? Fou dans la fourche ou pas, à coup de 12, à cause du blues et vieux parlement que du bon vieux temps. Non mais tu t'entends, ton vécu plan plan, tombé sur tant de gens et ta sale manière d'être. Mon déçu franchement, on est plus sanglant, on met plus de gants blancs pour servir ses maîtres. Non, on fait plus semblant, rémissier, rémissier. On débute grandement, je vais m'immiscer, je suis initié. Fondé du rendement, qui sait, et tissé de l'affront et du changement. Dans ce plan, il glisse, mais c'est toujours les mêmes qui parlent. Les mêmes qui parlent, toujours les mêmes qui flattent pour mieux diviser. Tous les jours, je mange des pâtes, je prends des claques. Tous les jours, je sais qui squatte le journal télévisé. Et c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Pour vous, j'aurais pu dire de foutre la merde, mais c'est hors de question. Il voudrait qu'on perde, même en hyperventilation. Enfin, moi, je gueulerai quand même. Il faut que je fasse une pause, car ma lucidité est partielle. Même si quand je lâche une prose, c'est de l'amour que je parsème. Marie n'est pas toute rose, elle traîne souvent du côté pastel. Du coup mon rap c'est du blues, un peu comme Kusai au Kassel. Du coup mon rap c'est du blues, un peu comme Kusai au Kassel. Mais je vaux de l'or, demande à ma mère, elle est trop d'accord. Quand je serai grand, je serai le plus fort. Le public ébahi m'écrira qu'il m'adore. Alors, quand je serai grand, ça sera pas mal, je te le dis. Mais comme un agent double devant la glace, je garderai un petit côté petit. Je continuerai à m'entraîner, à faire des grimaces. Mais là, je stoppe tout, l'avenir on s'en fout. Viens, on court trop vite, viens, on grimpe partout. On est petit, viens, on profite, on fait les fous. J'ai pas l'intention de grandir de suite, mais pas du tout. Thank you.

Thank you.